des défisailles dans la Twingo. Sorti de rien comme Rina Toto. Moto volée dans le Berlingo. Tu veux faire la sécu no tango. Et ces bâtards ils mentiront. Mais ces bâtards ils en chiront. Le mauvais oeil nous attirons. J'suis à 400 dans la Bugatti Chiron. Ouais, chaleur papillon. Tu dates comme un papyrus. Je sais que tu veux que nous nous marions. Fais gaffe, toi la coupe est russe.